Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 59 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, faire parler les paysages, une série de Tao Favre réalisée par Assia Khalid et Séverine Cassard. Alors si on vous raconte ça, c'est qu'à force de parler de la façon dont l'humain a bouleversé le climat et la planète, on s'est demandé ce qui restait des paradis perdus et de nature dans les campagnes après la néolithisation, puis l'industrialisation de l'agriculture. Et dans vos oreilles, aujourd'hui, une femme qui se souvient que petite fille, elle explorait son territoire en franchissant les unes après les autres les haies qui entouraient la ferme de ses parents, et aussi un taureau curieux qui se frotte aux arbres. Mais pour commencer, on entend au loin les meuglements des vaches. Biomasse. Alors, les bruits qu'on entend là, c'est, je pense, le meilleur reflet auditif du système carcéral dans lequel vivent les vaches. Blandine Vu, chercheuse en histoire du paysage. C'est le bruit de ce qu'on appelle les cornadis. Les cornadis sont des barres de fer qui peuvent se rabattre, dans lesquelles les bêtes sont obligées de passer la tête pour pouvoir aller manger. L'alimentation entièrement préparée dans d'énormes mixeurs, parce qu'elle ne mange plus de fibres. Hein. Normalement, il faut de la fibre pour produire du lait. On broie, on mélange de l'ensilage, on mélange de l'enrubanné. Vous sentez les odeurs d'aigre qu'on a ici. Donc, elle ne mange plus que des choses fermentées, mélangées, broyées, qu'on distribue le long des allées d'estabulation. Et elle passe la tête par dans des barres de fer qui peuvent se rabattre pour les bloquer. Et donc, jour et nuit, 365 jours sur 365 jours maintenant, c'est leur régime, mais aussi c'est le régime des voisins. Quand on habite à 200 mètres des fermes, on ne peut plus dormir à la belle étoile, on ne peut plus dormir les fenêtres qui donnent sur les fermes, on ne peut plus dormir dans les chambres sans fermer les fenêtres parce que ça tape jour et nuit, non-stop, non-stop, non-stop. Donc c'est un enfer pour les animaux, mais c'est aussi une galère pour les riverains, quoi. Donc ici, on a plusieurs centaines de vaches qui sont enfermées sous les tôles, alors qu'on est quand même fin avril, qu'il fait un temps magnifique, qu'elles devraient être dehors. Et autour de nous, on n'a que quelques genisses qui sont dehors dans le coteau, parce qu'elles ont la chance de ne pas encore avoir eu un veau, et de ne pas encore donner de lait, et dès qu'elles auront eu leur premier veau, de toute façon, finiront comme les autres sous les tôles, jusqu'à mourir de cirrhose, parce qu'elles sont alimentées avec une alimentation qui ne leur correspond pas. Enfin, mourir, ou partir à l'abattoir avant de mourir de cirrhose. Ici, où on a deux fermes, l'une de chaque côté de la route, de taille conséquente, entourée essentiellement de champs. Les prairies qui restent, elles sont dans le coteau, là où c'est trop difficile à labourer parce que c'est trop pentu. On a des paysages qui deviennent radicalement différents à cause des pratiques agricoles. On est devant 16 hectares qui sont en train d'être semés en maïs. Et ces 16 hectares, il y a quelques années, étaient encore en prairie, tout simplement parce qu'ils sont tout contre une ferme, des hangars agricoles, et que c'était tout à fait logique, les vaches laitières pouvaient sortir, brouter directement derrière le bâtiment. Quelques années plus tard, il y a eu l'installation d'un robot de traite. Les agriculteurs, de manière générale, ont décidé qu'avec les robots de traite, il faut que les vaches soient enfermées. Donc, conclusion, les vaches sont toutes enfermées sous les tôles qu'on voit devant nous, et ces jolis 16 hectares sont maintenant transformés en champs, dans lequel on cultive du maïs pour l'ensilage. Et cette année, au lieu de brouter l'herbe dans cette pâture, elles sont en train de manger sous les tôles l'ensilage qui a été préparé grâce au maïs qui a poussé l'an dernier. Et l'an prochain, elles mangeront l'ensilage qui a été cultivé cette année, l'herbe enrubannée qui a été cultivée sur d'autres prairies, etc. C'est-à-dire qu'on a des vaches qui ne mangent plus un brin d'herbe. On a beau parler beaucoup de bio, de sol vivant, de choses comme ça, moi je vois l'inverse. Regardez ici, le sable, on est dans un fond de vallée argileux. Normalement, regardez, la terre, c'est du sable. La terre n'a plus aucune tenue, aucune texture, tellement elle a été vidée de ces matières organiques, de ces matières collantes. Donc dès qu'on a du vent, ça fait des érosions éoliennes catastrophiques. L'été dernier, on avait à la fin de l'été, avec les sécheresses et les vents, on avait 2 cm de sable sur les chemins. C'est quelque chose que je n'ai jamais vu localement. Ça veut dire que les sols sont complètement épuisés de leur matière organique, de ce qui peut retenir la terre. Nous sommes à Poisolles, en Haute-Marne, à quelques kilomètres de Langres. Et alors Blandine, dans cette région Grand Est, où maintenant on parle d'énergie renouvelable et de biomasse, il y a une campagne de promotion. Est-ce que tu pourrais nous montrer l'une de ces affiches et la décrire ? Alors, le grand titre est toujours « À l'Est le renouveau » et en sous-titre « Le soleil se lève à l'Est ». Alors celle que j'ai choisie, c'est celle qui fait la promotion des bioénergies, d'ailleurs de la bioéconomie, pardon, sur laquelle on voit une lumière crépusculaire, genre scène apocalyptique. On se croirait quasiment dans le Seigneur des Anneaux version futuriste. Et toute l'affiche est barrée, donc de gauche à droite, et ça déborde largement des deux côtés par un énorme site industriel avec des sortes de lagunages, des choses dont on devine nettement que ce sont des méthaniseurs. Mais alors, c'est pas juste le méthaniseur avec 2 tours, hein, c'est énorme, avec des cheminées qui fument. Et au premier plan, on a des champs avec des chemins complètement à angle droit. Et le seul élément qui barre ce premier plan, qui gênerait un peu les cultures, c'est une antenne, un pylône antenne. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, les connexions, etc., sont mises en valeur dans la durabilité, dans l'agriculture, dans le bio, etc. Il y a le titre déjà qui est fascinant. À l'Est, le renouveau. En fait, on voit bien à quoi ça fait référence finalement. Mathieu Calame. C'est à la grande époque de la sidérurgie. Agroécologue. L'Est et le Nord ont été les foyers de la première révolution industrielle. Et c'est assez amusant parce que ça veut dire que ces deux régions vont réduire leur identité à une partie extrêmement brève du passé. Paradoxalement, d'ailleurs, il parle de renouveau. On n'a pas le sentiment que ce soit réellement une nouvelle société qui émerge, qui serait écologique. C'est plutôt l'idée qu'on va réenchanter l'industrialisation. Et alors, évidemment, quand même, il y a une petite touche. Enfin, je vois, c'est marqué terre de transition énergétique. Le Grand Est est la première région productrice de biocarburants durables de France. Bon, il y a quand même une concession au problème actuel qui est le problème de l'énergie. La seule chose, c'est que si c'était vraiment la transition énergétique au sens de négawatt, il se vanterait d'être la région qui économise le plus d'énergie de France. C'est pas le cas. Ce qu'ils choisissent de mettre en avant, c'est probablement la pire des énergies qui puissent être conçues, qui sont les biocarburants, qui est de dire que on va continuer dans le forçage terrestre et on va faire cracher à la photosynthèse tout ce qu'on peut, quitte à détruire tout le reste. On voit bien quand même la grande fracture culturelle et civilisationnelle qui est en train de diviser nos sociétés, qui est soit d'un côté un néo-industrialisme avec la croissance verte, soit aller vers une société écologique. Je pense que le néo-industrialisme n'a pas d'avenir et les travaux du GIEC le démontrent, mais c'est pas grave. Ces gens-là vont quand même s'acharner pour, comme disait le roi Courant, grand archéologue, l'histoire humaine s'arrêtera quand le dernier homme fera cuire le dernier rat avec le dernier litre de pétrole. Je crois que nous sommes dans la prédiction, malheureusement, de le roi Courant. On parle de biocarburant, donc littéralement de carburant de la vie. Et dans cette image, de la vie, il n'y en a pas. Elle est complètement évacuée. Il y a une dimension philosophique presque orwellienne qui est très forte dans cette image. Elle est choquante parce qu'elle reflète des ambitions quand même. Il y a 1,5 milliard d'euros qui va être donné en 5 ans pour ces projets-là, par la région. Ils projettent par exemple de multiplier le nombre de méthaniseurs par 78,2. Il y en a déjà trop. Et ça reflète totalement ce qu'on souhaite faire des territoires et aussi de l'agriculture. Après le néolithique, c'est l'autre grande révolution qui métamorphose le paysage, l'industrialisation. Et tandis que la ferme-usine remplace les paysans, le monde bascule dans l'apocalypse écologique. L'heure est désormais à la transition. Il faut abandonner le pétrole, passer d'un métabolisme minier à un autre plus solaire. Les plantes, leur matière organique, leur biomasse, deviennent le centre d'une nouvelle révolution. Mais une transition énergétique n'est pas une transition écologique. Et le remodelage des campagnes auxquelles on assiste n'est pas sans rappeler celui qui a accompagné la modernisation de l'agriculture. Au XXe siècle, la France perd 70% de ses haies et 90% de ses mares. Après la Seconde Guerre, un quart du territoire est remembré. Une pensée dominante, dualiste, a créé une nature simplifiée à l'extrême que l'humain doit mettre en valeur et exploiter. Une pensée, aux racines culturelles profondes, qui, de l'héritage paysan, a décidément bien du mal à voir la modernité. Desséchons ces marais, animons ces eaux mortes en les faisant couler, formons-en des ruisseaux, des canaux. Mettons le feu à ces vieilles forêts, déjà à demi consommées. Achevons de détruire avec le fer ce que le feu n'aura pu consumer. Bientôt, au lieu du jonc, du nénuphar dont le crapaud composait son venin, nous verrons paraître la renoncule, le trèfle, les herbes douces et salutaires. Des troupeaux d'animaux bondissants fouleront cette terre jadis impraticable. Ils se multiplieront pour se multiplier encore. Servons-nous de ces nouveaux aides pour achever notre ouvrage. Que le bœuf soumis aux joues emploie ses forces et le poids de sa masse à sillonner la terre, qu'elle rajeunisse par la culture. Une nature nouvelle va sortir de nos mains. Georges-Louis Leclerc de Buffon, 1764. On est à Breteuil, c'est à 1h30 de Paris, à l'ouest. C'est un paysage que les géographes appelleraient d'open field. C'est quand même des grands champs. Je pense qu'on fait pire en la matière. Là, on est sur le bord de l'open field. Mais c'est vrai que si tu vas de l'autre côté du village, là, tu y es. On est un peu préservé, on a la forêt. Ça fait presque 300 ans qu'on est là. Ça se perd dans les limbes du temps. Notre famille vient de l'autre côté de la forêt, là-bas. François Mulet, agriculteur. On a traversé la forêt, quand même. Toute ma famille est née ici, est morte ici. Ça a été un petit peu problématique au moment de la Révolution verte, puisque mon grand-père n'avait pas vraiment envie de se lancer dans la Révolution verte, la mécanisation, la modernisation, puisque lui, il avait une culture rurale très profonde et il savait que, tiens, là-bas, t'as un poirier qui fait 1 mètre de diamètre. Bah ça, il savait que c'était son arrière-arrière-arrière-grand-père qui l'avait planté et lui, il se disait, mais le jour où je l'aurai arraché pour faire pousser du blé à la place, il va nous rester quoi? Et si le blé, ça marche pas vraiment? Et si ça marche aujourd'hui, puis que demain, on nous décide encore autre chose? Ça va finir comment, cette affaire? Et ce qui fait que mon grand-père, lui, a pas voulu se lancer complètement dans la Révolution verte. Notamment, il a pas voulu détruire son bocage. Et investir comme un fou, comme à l'époque, on conseillait de faire à tout le monde. Il a, comme tout le monde, utilisé quelques engrais pour que ça pousse un peu mieux, ça améliorait les rendements, ça marchait bien, et puis on a changé un peu les productions. On a produit beaucoup de poulets à une époque pour envoyer sur Paris, il y avait de la demande, on faisait de l'argent avec ça. Et puis, ça lui est un peu revenu dans le nez, parce que, à la fin de sa carrière, il s'est retrouvé avec une ferme quand même obsolète par rapport à ce que tout le monde pratiquait. Et puis, c'est son modèle qui n'a pas fonctionné parce que l'élevage tel qu'il le pratiquait n'atteignait plus du tout des niveaux de rentabilité qui permettaient de vivre, tout simplement. Et donc là, on a eu une rupture générationnelle, puisque, pour aussi des raisons familiales, mais c'est des contextes économiques compliqués, ce qui fait que ni mon père ni mon oncle n'ont repris la ferme. Et les terres ont été louées, et tout notre beau bocage, nos poiriers centenaires, etc., ont été passés au bulldozer, on a bouché les mares, on a fait tout ça. On a tout brûlé, tout arraché, on a fait pousser du blé. Bon. Voilà, et donc avec mon frère, on a récupéré cette année les terres de mon grand-père qui avaient été louées. Et donc c'est pour ça qu'en attendant de récupérer toutes les terres, avec mon frère, on a fait du maraîchage. Et sur le peu de terre qui nous restait, on a donc développé les techniques qui par la suite se sont appelées des techniques de maraîchage sol vivant, dans lesquelles on a un autre regard et un autre rapport au sol. C'est de se dire que le sol, c'est quelque chose de vivant. Comment on arrête de le détruire ? Radio-Télévision française, 1958. Une mosaïque de champs. Voilà un aspect de la campagne française avant la dernière guerre. Parcelles petites, exiguës, d'où perte de surface cultivable. Parcelles dispersées, souvent incommodes d'accès, d'où perte de temps. Après la guerre s'amorce le remembrement, véritable révolution pacifique et discrète qui touche à la propriété, à la terre ancestrale du paysan. Le cadastre est refondu, les parcelles groupées et redistribuées. Champs plus vastes, mieux dessinés, plus accessibles. Gain de temps, de qualité, de surface. À tout point de vue, meilleure utilisation du capital terre. Il faut imaginer qu'on a encore quelques photos de famille où on voyait le bocage justement. Donc il faut imaginer qu'il y avait plusieurs mares, qu'il y avait des haies, il y avait des pommiers, des poiriers partout. Et certaines parcelles servaient à faire des rotations céréalières et donc elles étaient un peu plus grandes, entourées de bocage aussi. Mais par contre, il n'y avait pas d'arbres parce qu'on faisait de la céréale dessus. Le remembrement a quand même eu cet avantage de créer des parcelles un peu plus grandes, parce que quand même, avant les remembrements, les terres de famille, c'était des timbres-postes côte à côte avec une quantité d'entretien bocagère qui était quand même un peu délirante. C'était peut-être un des soucis du bocage, c'est que génération après génération, on passait notre temps à découper les parcelles en petits timbres-postes, en tout petits morceaux, et au bout d'un moment, ça devenait juste inexploitable, tant il y avait de petits recoins, de petits trucs, il y avait quand même un petit souci. Néanmoins, faire un remembrement où on rase tout, c'était pas la bonne idée non plus. Le remembrement, il répond à une logique, qui est celle de que la machine devient le centre du processus. On va subordonner les hommes et le territoire avec les animaux, sa structure, même à certains moments, on a envie de le remembrer tellement que si on peut arraser les collines, on arrase les collines. Enfin, vous voyez, il y a juste des limites qui sont des fois le fait que c'est trop raide, trop caillouteux, mais il y a vraiment cette envie d'adapter le territoire à la machine, d'avoir les parcelles les plus grandes, les plus longilignes, les plus plates possibles, les plus homogènes, ce qui n'est jamais le cas pour les sols. Vous avez souvent des hétérogénéités de sols. Fondamentalement, ce qu'est la société industrielle, c'est la quête de la puissance. Et je pense que le remembrement, ça a aussi exprimé ce sentiment que l'homme peut reformer entièrement le territoire. Alors, dans un certain nombre de cas d'ailleurs, comme il y avait un ordre qui pouvait être conservateur, j'avais discuté avec des militants qui étaient jeunes à l'époque, des paysans de l'Ouest, et ils disaient en 1945, on disposait de tas de dynamite, il y avait des explosifs partout, pour les réseaux, vous savez, et on faisait péter les haies à la dynamite, parce que les haies, c'était ce qui nous contenait dans une société d'ordre dont on ne voulait plus. Voilà, donc il y avait un côté émancipateur et libérateur, et c'était perçu comme ça, mais le problème de l'écologie, c'est qu'il ne s'agit pas que d'émanciper l'homme, il faut cohabiter dans une planète limitée. Donc la dynamite atteint ses limites quand il s'agit de maintenir le climat. Bernard Charbonneau, FR3, 1975. Je reproche, si vous voulez, à la grande mutation que la transformation de l'agriculture en industrie a provoquée dans les campagnes d'être payée par trois coûts effrayants: la disparition des nourritures, transformés en sorte de protéines ou d'hydrates de carbone insipides et standardisés, la fin du vrai pain, la fin du vrai poulet, la fin du vrai bœuf et finalement la fin de la vraie pomme de terre ou de la vraie cerise. Je lui reproche aussi de détruire par la même occasion les paysages qu'avaient créés les paysans en respectant spontanément la nature qu'il défrichait par ailleurs, et je lui reproche enfin de détruire la diversité des cultures qui avait créé un Berry, un Béarn, prodigieusement semblables et différents en même temps, et qui faisaient tout l'intérêt des voyages. Comment le paysage a changé depuis ton enfance? Et d'abord, a-t-il beaucoup changé? Alors, il y a eu des grosses mutations. Moi, j'ai commencé à rentrer dans le paysage vraiment très intimement vers l'âge de 12 ans. J'ai eu le droit d'aller me promener toute seule. Et à l'époque, il y avait encore beaucoup de haies. Donc, on n'est pas en région de bocage ici. On est en région d'open field, c'est-à-dire de champs ouverts, tout en sachant qu'il y a des limites dans le paysage. Et moi, mon grand plaisir, c'était passer, franchir ces limites quand j'étais adolescente. C'est-à-dire qu'il y avait une haie et il y avait une petite porte dans la haie. C'était l'objectif d'aller voir ce qu'il y avait derrière cette haie. Et j'arrivais à 4, 5, 6 kilomètres du village avec ce jeu-là de découverte. Tu étais enfant dans quelle décennie? Quelle décennie? Donc je suis née en 1962. Donc mes vadrouilles intellectualisées, parce que avant on vadrouillait énormément, mais c'était du pur plaisir, et c'est un pur plaisir aussi hein, de continuer à vadrouiller sans recherche, c'est les années 70. Et le remembrement donc est arrivé en 79, et ça a complètement bouleversé le monde dans lequel j'avais grandi, puisqu'il y a eu énormément d'arrachage de haies, d'arrachage en coteaux. Il y a eu des stratégies sur les premiers remembrements qui étaient très mauvaises, puisqu'ils ont remembré les vergers, ce qui n'a plus été fait plus tard. Ils ont remembré les coteaux boisés. Donc cette table rase, je l'ai vécue de façon très violente, parce que pour moi, c'était un bouleversement. J'allais me promener dans des endroits où je ne savais plus m'orienter, parce qu'il manquait les arbres, il manquait les haies. Il n'y avait plus rien, quoi. C'était pas plus rien, parce que pour quelqu'un qui n'a pas grandi comme ça, avec cet attachement au lieu, il y avait encore des choses, et ici on a l'impression qu'il y a encore des choses, mais en fait il n'y a plus de saules dans la vallée, il n'y a plus de vergers, il n'y a plus tout ça, quoi. Ces choses qui marquaient et qui ponctuaient le paysage, les arbres remarquables qui étaient sous cette fenêtre-là il y a quelques années ont tous été coupés. Pour moi c'est une violence à chaque fois, quoi. Et encore maintenant, dès que je me promène, et ça s'est accéléré ces dernières années. Donc c'est pire qu'un second remembrement, là je crois, parce que le remembrement avait encore une sorte d'idéal, c'est-à-dire que son idéal c'était de permettre de sortir de ses parcelles de 25-30 arts pour avoir des choses plus faciles à travailler. Là c'est pire que le remembrement parce que c'est totalement basé sur du mensonge. Traverser la vallée de la Manse qui est extrêmement belle, et puis brusquement d'un kilomètre à l'autre tout a changé. Donc, des déforestations en coteaux mais aussi en fond de vallée, où on peut très bien imaginer que d'ici peu en fond de vallée à la place de la forêt on va avoir du maïs. Ici on voit le fond de la vallée inondable au bord du ruisseau, des parcelles qui de mémoire humaine ont toujours été en herbe parce qu'on ne cultivez pas en fond de vallée au bord des rivières, parce que tout simplement l'érosion quand il y a des crues enlève la terre. Donc la cause de ça, on l'entend, on la sent quasiment même avant de la voir, parce que ces deux dômes, ce sont des méthaniseurs. Pour faire marcher le méthaniseur, il faut à la fois de l'ensilage et du fumier d'élevage, c'est-à-dire des élevages concentrationnaires comme ceux dont on a parlé. Donc avec des odeurs, forcément, des vaches qui sont enfermées 12 mois sur 12. Donc il y a cette présence olfactive, il y a une présence sonore très importante, même même si ce n'est pas des décibels et des décibels, justement, c'est ça la force de ceux qui installent ce genre d'installation, et pareil pour les éoliennes. Ce n'est pas le bruit d'un tracteur en route, ce n'est pas le bruit d'une grosse machine ou d'un marteau-piqueur, sauf que c'est non-stop. C'est-à-dire que le méthaniseur, il va tourner 24 heures sur 24, 365 jours sur 365. C'est-à-dire que le village qui est juste derrière nous, qui est charmant niché dans son vallon, n'aura plus droit au silence tant que ce méthaniseur sera là. Et puis, il y a une autre présence, c'est en fait que pour pouvoir alimenter ce méthaniseur, il faut à la fois du fumier et du maïs, ou des cultures. Et qu'on a justement un impact important sur le paysage, parce qu'on va retourner des prairies, voire déforester des espaces, pour avoir les cultures qui vont alimenter les vaches enfermées et qui vont alimenter le méthaniseur. Donc une emprise aussi au niveau de l'espace, une emprise au niveau des prix du terrain agricole, des prix des fermes, des prix du maïs. Les maïs à vendre sur pied ne sont plus accessibles aux éleveurs parce que les propriétaires de méthaniseurs surenchérissent. Le tout archi-subventionné et le tout sous couvert d'énergie renouvelable et de production énergétique dite verte. C'est-à-dire qu'on va vous dire « Ah ben voilà !» On met du fumier de nos vaches, sauf que ça peut arriver que les vaches fumier viennent de 60 km. On fait des routes considérablement réélargies par rapport aux besoins réels de cette route, parce que ce fumier, il faut le transporter, l'emmener, emmener les digestats. On a un coût pour la collectivité, parce que c'est la collectivité qui va payer ses réfections de route, ses élargissements de route, ses sécurisations et changements de pont, etc. Donc il y a un coût qui n'est jamais calculé. Tout ça, on oublie d'en parler quand on fait les calculs. À quoi ça sert un méthaniseur ? Alors, un méthaniseur, l'idée à la base est très bonne. Ça fait des années que je me dis, mais pourquoi on ne récupère pas, on ne met pas une cloche en gros sur les tas de fumier pour récupérer le méthane et chauffer les maisons ? L'idée à la base est bonne. Sauf que là, on a voulu industrialiser la chose, faire des méthaniseurs surdimensionnés par rapport aux capacités de production des fermes, qui implique qu'on est obligé, on ne peut pas arrêter de le nourrir un méthaniseur. C'est un métabolisme. Donc, pour qu'il ait tout le temps à manger, il faut tout le temps du fumier. Donc, du fumier en permanence, quand les vaches sont prêtes, il n'y en a pas. On ne va pas ramasser les bouses à la main. Donc, ça veut dire enfermer les vaches, ça veut dire faire des apports de fumier venant de l'extérieur parce qu'ils sont justement surdimensionnés pour récupérer du fumier qui vient parfois de loin. Et donc, le problème aussi, c'est qu'on n'a aucun recul sur les effluents. Les effluents, c'est ce qu'on voit sortir. Et c'est ça qui est épandu sur les champs. Quand on prend des agronomes comme Gérard Dussert et tout ça, disent que qu'il faut proscrire totalement le lisier de fumier et les effluents de digestat de méthanisation. On a inventé toute une terminologie qui n'appelle plus un chat, qui est très dangereuse, sous prétexte de faire passer des choses qui sont inacceptables. Par exemple, le mot biomasse, il efface tout le vivant derrière le végétal. C'est-à-dire qu'un arbre, une forêt, une prairie, un champ, une plante ne sont plus du vivant, ils sont une matière première, ils deviennent une matière première. Et c'est un vrai poison qu'on met dans les cerveaux. Dans le temps, on exploitait la forêt. Exploiter la forêt, ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire prélever quelques très vieux arbres et puis laisser aux habitants, avec leurs enfants, la possibilité d'aller faire leur bois de chauffage dans la forêt. Alors, le mot exploiter, c'est pas beau. Et la forêt, c'est un être vivant. Donc, on peut pas dire qu'on exploite un être vivant. Donc, on a changé complètement la logique en disant qu'on valorise la biomasse. Valoriser, c'est bien. Puis la biomasse, c'est que de la matière première, quoi. C'est comme du caillou. Donc on arrive à raser des forêts entières en faisant passer ça pour de l'écologie, parce qu'on a complètement, au lieu de dire qu'on exploite, donc qu'on surexploite la forêt, qui est un être vivant, on va dire qu'on valorise la biomasse, qui est une matière première. Certains promoteurs de la bioéconomie considèrent les champs agricoles comme les puits de pétrole du XXIe siècle. Cette vision a des répercussions sur la nature de la profession agricole, dont l'objet ne serait plus de fournir un produit intègre, encore moins un aliment, mais de la biomasse en vrac à destination des industriels. L'agriculteur devient ainsi un producteur de matières premières, voire un moléculteur. Jeanne Pahin, F. Fouilleux, Benoît d'Aviron. J'aimerais, Mathieu Callam, qu'on s'arrête un instant sur le mot « biomasse », sur son ambivalence. D'un côté, la biomasse conçue dans une pensée écologiste, et de l'autre, la biomasse de la bioéconomie. Alors, le plus simple à définir, c'est la biomasse dans la bioéconomie. C'est-à-dire que pour la bioéconomie, la biomasse, c'est une ressource. Voilà. Donc, il faut extraire de la ressource, et évidemment, la créer. Si je rentre dans une pensée plus écologique, la biomasse, c'est quoi finalement? C'est le produit du vivant. Et je vais rentrer dans des distinctions. Il y a une biomasse qui est inactive, qui est même fossile, puisque le charbon et le pétrole, ou les schistes bitumineux, fondamentalement, enfin les bitumes qu'il y a dans les schistes, hein, pas les schistes même, c'est une biomasse fossilisée. C'est-à-dire c'est le produit de la photosynthèse d'il y a des millions et des milliards d'années. D'ailleurs, je sais pas si les gens s'en rendent compte, mais en fait, quand ils mettent le contact à leur voiture, ils consomment de la biomasse. Et donc, bon, il y a cette biomasse fossile, c'est d'ailleurs ça qui a retiré énormément de carbone de l'atmosphère, qui fait qu'on a le climat que nous avons et que nous le déréglons en la dégageant. Et puis après, il y a la biomasse au sein d'un écosystème. Alors, évidemment, je vais utiliser moi-même, en tant qu'agroécologue, la notion de biomasse pour évaluer ce qu'est un écosystème. C'est-à-dire qu'au fond, je vais partir du principe que... Plus l'écosystème se porte bien et se développe, plus il a de biomasse. Mais je sais distinguer plusieurs types de biomasse, c'est-à-dire vous avez l'humus des sols, par exemple, qui est une biomasse qui est les déchets de plantes qui mortes, mais extrêmement active, parce qu'il y a des bactéries qui sont nourries, il y a les vers de terre qui grassent pour consommer aussi cette biomasse, font des allers-retours et donc vont brasser la terre, etc. Mais enfin, a priori, cette biomasse, je dirais, elle est morte au sens où elle n'est pas dans un végétal actif. Et vous avez toute cette biomasse vivante qui est le végétal lui-même, son système racinaire, si c'est un arbre, son tronc, ou sa tige, si c'est pas un arbre, l'ensemble de ses feuilles, qui sont de formidables capteurs de l'énergie solaire, etc., etc. Et donc là, je rentre un petit peu dans les détails. Néanmoins, et ça, c'est un phénomène qui, je crois, est la loi des reins de l'écologie. Ce qu'on peut dire sûrement, c'est que un écosystème qui est en train de s'épanouir, de se développer, il tend à accumuler de la biomasse. Par exemple, si vous abandonnez un terrain, même un terrain agricole, il va se mettre une friche, et cette friche va évoluer. Bon, d'abord un petit peu d'herbe, ensuite des arbustes, et ensuite vous allez finir au bout d'un siècle et demi, deux siècles, si vous n'intervenez pas, vous aurez une forêt. Et là, vous avez stocké énormément de biomasse, à la fois dans le sol sous forme d'humus et à la fois sous forme aérienne. Et inversement, si vous êtes dans un système où vous déstockez la biomasse, l'avenir, c'est le désert. Donc on peut dire que le désert et la forêt sont les deux pôles extrêmes d'un état de l'écosystème. Le plus pauvre et le moins actif, c'est le désert. Et le plus actif et le plus riche, si je puis dire, c'est la forêt. Et si je voulais faire une vraie bioéconomie, eh bien à ce moment-là, ma monnaie, ce serait la biomasse. Parce que la seule richesse finale, ce qui nous permet d'ailleurs de manger, de nous déplacer, etc., c'est la biomasse. C'est-à-dire qu'au fond, c'est quoi manger, c'est s'attribuer de la biomasse qui a été produite par les plantes. Et il y a un impératif que l'être humain doit respecter, c'est que le solde de biomasse terrestre reste positif. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de consommer plus de biomasse que les végétaux n'en fixent. Les végétaux étant, dans certains cas aussi, j'ai beaucoup parlé des arbres, mais il faut quand même citer toutes les algues et les micro-algues qu'il y a dans les océans, qui sont des gros fixateurs, des gros formateurs de biomasse. Voilà. Et ça, c'est la loi des reins des écosystèmes, et la Terre étant un méga écosystème, si on ne respecte pas cette loi des reins, à ce moment-là, on finira en banqueroute, c'est-à-dire une fois qu'il n'y aura plus rien, on n'aura plus rien à manger. Thank you. On a quand même préservé le bocage de la ferme. Il nous reste quelques haies. On en a replanté avec mon frère. Mais effectivement, là, on est sur le bord de l'open field et c'est la nature reprend ses droits à partir de la forêt. Mais réellement, parce que moi, j'ai grandi dans cette forêt que tu vois là. J'ai grandi dedans. J'y ai passé ma jeunesse, à aller chercher les champignons avec mes grands-parents, avec mes parents. Et pour ma famille, c'était quelque chose d'assez sacré, la forêt. J'ai le souvenir de quelques balades en forêt avec mon grand-père. Et il y avait une dimension sacrée à ça, où d'aller en forêt, tu commençais pas à courir partout, à gueuler comme un sauvage, à croire que c'était un terrain de jeu. Non, il y avait une dimension assez sacrée quand même dans la forêt, qui est pas quelque chose de sacré, je dirais, infiniment mystique non plus, mais... Quand des agriculteurs comme mon grand-père allaient en forêt, ils allaient couper du bois, ils faisaient tout un tas de trucs, ils avaient une vie économique dans la forêt. Mais tout le monde savait, intuitivement, que c'était quand même le modèle, quoi. Et que dès qu'on s'éloignait un peu de ce modèle, on commençait à avoir des problèmes. Et c'est bien tout l'enjeu de la création du bocage, il y a 200 ans, 300 ans, ça dépend de quelle région de France on parle, tout l'enjeu de la création bocagère. Et nous, ici, dans ces régions de production agricole, on l'a fait, cette révolution bocagère. Peut-être ce qu'on n'a pas réussi à faire, c'est la faire évoluer pour qu'elle soit un peu plus rentable, qu'on ait un travail moins laborieux. Parce que cette révolution bocagère, on la regrette par son aspect écologique, mais on ne la regrette pas par la pénibilité du travail, tu vois, par exemple. C'était quand même un boulot de bagnard. Et donc, c'est une réalité que c'est la forêt qui est en train de reprendre ses droits de plusieurs manières, parce qu'on remet de l'arbre, mais c'est aussi que cette vision du cycle de la fertilité... Eh ben c'est bien parce qu'on vit à côté d'une forêt qu'on l'a encore sous les yeux tous les matins. Celui qui vit en plein milieu de la plaine de la Beauce, où il n'y a plus un arbre à 50 km, c'est un peu plus difficile pour lui de dire « Tiens, je vais m'inspirer de la forêt. » Et alors, si tu veux qu'on fasse une lecture agronomique, c'est un peu la bonne saison, parce que là, aujourd'hui, tu as la ration du sol qui est en train d'arriver. Donc, il y a un cerisier devant nous. C'est un cerisier, je ne dis pas de bêtises. C'est un merisier, mais c'est pareil. Cet arbre, il a produit toute l'année de la matière organique. La matière organique, c'est quoi ? C'est du CO2 pris dans l'air, du CO2 pris dans le sol, de la matière organique pris dans le sol, qui l'a structuré, qui l'a organisé. Ça, c'est quand même une grosse règle du vivant en permanence, c'est de prendre... des matières gazeuses, très instables, de prendre des matières minérales, au contraire très stables, très solides, et de les organiser dans un état intermédiaire qui n'est pas un liquide, qui n'est pas un solide. C'est un entre-deux, c'est une forme de gel. Le vivant, c'est un peu une gelée. Et les plantes, notamment, sont la source de toutes les chaînes alimentaires, de tous les réseaux trophiques. Et donc l'arbre, toute l'année, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a structuré cette matière selon des motifs très très réguliers, qui sont des cellules. Le truc, c'est que là, on va arriver dans l'hiver. Et dans l'hiver, en fait, il ne peut plus faire ce travail. Parce qu'il va faire trop froid. Et donc, qu'est-ce qui va se passer l'hiver ? Il va y avoir moins de lumière. Le gaz atmosphérique va devenir trop froid. Donc, les réactions chimiques ne fonctionnent plus très bien. Et donc, il va se mettre en dormance. Et là, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait retomber une grosse partie de toute la matière, notamment à travers les feuilles, dans le sol, sur le sol. Et ça va faire une réserve de nourriture qui va être mangée doucement et sûrement pendant tout l'hiver. Et ça va avoir quoi comme conséquence ? C'est que cette activité biologique qui vit dans le sol, elle passe son temps à faire des trous dans le sol pour laisser rentrer l'atmosphère. Elle passe son temps à structurer le sol. Et donc la vie du sol, elle va utiliser cette ressource nutritive, ses feuilles. Alors là, dans le cas d'un arbre, c'est des feuilles. Dans le cas d'une prairie, ça va être de la paille. Et donc la vie du sol, notamment les vers de terre, vont prendre cette nourriture et passer leur temps à faire des galeries dans le sol, creuser le sol, à trouer le sol, à structurer le sol, à le mélanger, à le brasser. Et nous, c'est là-dessus qu'on mise, c'est-à-dire que quand on nourrit correctement le sol, en fait, on n'a plus besoin de le travailler mécaniquement. Ici, là, dans la cour de la ferme, vous avez de l'herbe qui pousse, des arbres qui poussent, je ne mets jamais un engrais, c'est pas la peine. Puisque là, je suis sur un espèce d'agro-écosystème à peu près stable, qui peut se développer tout seul. J'ai des arbres au milieu d'une prairie, et c'était ça toute la grande force du bocage normand, du pré-verger normand, c'est d'avoir à la fois des arbres, de l'herbe, pour utiliser en permanence l'eau et le soleil, produire beaucoup de matière organique. Et donc ce qui était très intéressant dans le pré-verger normand, c'est que les arbres nourrissaient le sol à l'automne, la prairie nourrissait beaucoup le sol à la fin du printemps, et on avait des sols très riches et très vivants. « Donc là, c'est une parcelle de 5 hectares. Sur 5 hectares, on a replanté des haies pour donc protéger et les cultures et les troupeaux. Sylvie Monnier, ingénieure agricole. C'est quelque chose d'intéressant parce que on est sur une zone qui est vite séchante. Et vous allez voir, là, on va être sur la partie de plateau. La partie de plateau, elle sèche toujours beaucoup plus vite que les bas-fonds vers les cours d'eau. Donc en fait, préserver le rendement des cultures et le peu d'eau qu'on a, c'est important et c'est vraiment l'effet brise-vent qu'on va rechercher là. Voilà, là on va être du coup devant la haie, on va pouvoir la regarder d'un peu plus près. On voit tout de suite qu'on a plus d'herbe. On voit bien la différence en fait. Hein. Pourtant on est sur une année de sécheresse. Le vent en fait c'est aujourd'hui le facteur limitant de la production. On a deux difficultés en agriculture. Le manque d'eau de plus en plus. Et deuxièmement un vent qui est plus marqué qu'avant. Du coup l'impact sur les cultures il est évident. Enfin, des végétaux balayés par les vents toute la journée, ça sèche. Et du coup, on perd du rendement. Donc là, il y a brise-vent qui protège 15 fois sa hauteur. Donc là, ma petite haie, elle fait seulement 2,50 m. Hein. Elle n'est pas haute. Hein. 2,50 m x 15 fois. On est déjà à 40 mètres de protégé derrière. À terme, son objectif, c'est 10 mètres de haut. 10 mètres de haut, elle protège toute la parcelle. Et derrière, je vais avoir 30% de rendement en plus. Donc c'est tout sauf anodin. Sylvie Monnier, on est à Ardes, au sud de Clermont-Ferrand. On est dans le Puy-de-Dôme. On est à quoi, 600 mètres d'altitude ici? 630 exactement, ouais. Au pied du massif du Césalier, massif qui ressemble à l'Aubrac. Oui, vous recommencez, hein, parce que dès qu'il me voit, à manger ! À manger ! Il tente toute la journée au cas où ! Vous avez déjà mangé ? Ces haies qu'on voit, c'est toi qui les as plantées ? C'est une parcelle de 5 hectares sur laquelle il y avait des haies déjà en périphérie. Là-bas, on devine que les haies sont plus grandes. Hein. Les arbres font 20 cm de diamètre. Donc ça, c'était de la haie existante. Pareil ici, de l'autre côté, c'est de la haie de prunelier qui est un peu épaisse et dense. Par contre, j'avais un trou ici. Et un trou sur ma zone de plateau, qui est une zone que je fauche. Ça fait vite un impact du vent. Donc en fait, on a souhaité boucher le trou qui fait 50 mètres en plantant une haie diversifiée où vous avez des arbres et des arbustes qui se mélangent. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de bien dense. Quand il y a les feuilles, on ne voit pas à travers. Donc c'est une haie d'essence caduque, locale, feuillue, qui fonctionne bien et qui à terme aussi sera source de production de bois potentiellement parce que c'est ce qu'on va rechercher aussi. C'est que sur le long terme, cet espace que j'ai planté, ce sera un espace productif pour l'exploitation et une source de revenus. Qu'est-ce qu'on voit comme espèce d'arbre dans ces haies ? Alors, vous avez quoi ? Vous avez le cornouiller sanguin. Celui-ci, c'est un arbuste qu'on aime bien. Il pousse toujours de la base, il repousse de la base, il va bien boucher le pied de haie. Donc le cornouiller sanguin, où est-ce que j'en ai ? Je dois en avoir un au début, là-bas. Ensuite, j'ai le néflier. Alors le néflier, c'est une espèce qui fait des petites nèfles qu'on peut manger à l'automne. On fait des confitures avec ou de la pâte de nèfle. C'est une essence qui résiste très bien au sec, donc on l'aime bien. J'ai mis ensuite du prunier sauvage, du poirier sauvage. Ça, c'est parce que c'est une parcelle où je viens souvent. Donc j'ai notamment greffé les poiriers avec des variétés traditionnelles. J'ai de l'érable champêtre, j'ai du troène des bois, du prunelier noir. J'ai dans grand arbre, j'ai du merisier de l'érable plane aussi. Alors eux, ils vont monter à plusieurs mètres, à plus de 10 mètres de haut et vraiment protéger la parcelle. En général, on met entre 5 et 10 espèces par haie. Alors je vais mettre des essences qui vont très vite, ce qu'on appelle des pionniers. Parce que les pionniers, en fait, ils poussent vite au début, ils aiment bien la lumière. Et puis au milieu des pionniers, je vais mettre des essences qui vont mettre du temps à s'installer, qui aiment bien être à l'ombre pour pousser. Mais je les mets là parce que ce sera les essences de demain. Et quand ma haie sera adulte, les pionniers auront disparu. Mais par contre, les plus lents à pousser vont prendre la place. Et donc, j'ai une haie qui sera pérenne dans le temps. Quelque part, j'accélère ce que la nature fait. Parce que quand vous laissez un espace libre, la forêt revient vite. Mais vous avez d'abord les pionniers pendant 50 ans, puis ensuite les autres arrivent. Nous, l'idée, c'est qu'en l'espace de 20 ans, on est tout d'un coup. Le bocage n'a pas toujours existé. C'est quelque chose qui se met en place au sortir de la féodalité. Charles Stepanov, ethnologue. Avec l'avènement d'une propriété individuelle sur les terres et un cloisonnement des parcelles qui vont être environnées des quatre côtés de haies. Bon, mais elles deviennent très nombreuses au XVIIIe, XIXe siècle, formant un véritable paysage de bocage dont les naturalistes nous montrent qu'il est extrêmement riche, qu'il est un puissant réservoir de biodiversité par ses effets d'interface. Quand vous avez une forêt, le maximum de choses que vous allez pouvoir observer, qui se passe, si vous aimez voir des animaux, des chevreuils, des cerfs, ben il faut se placer à la lisière. Parce que là, vous allez voir les cervidés qui sortent de la forêt pour aller brouter en plaine. Vous avez de très nombreux oiseaux qui font ces allers-retours, de nombreux insectes également. Or, la haie, elle multiplie cet effet d'interface par deux déjà, parce qu'elle a deux côtés. C'est comme une lisière à deux faces, une haie. Et puis elle la multiplie parce qu'elle est toute en longueur. Donc tous ces kilomètres, milliers de kilomètres à travers la France de haies, c'est comme des orées de forêt qui permettent à de très nombreuses espèces d'alterner entre un espace ouvert de champs, de prés, d'herbage, et une micro-forêt qui est la haie où elles peuvent trouver un abri. Donc là, on est face à un frêne. Le frêne, c'est l'essence du bocage en montagne, comme on a le chêne plus en plaine. Le frêne, on voit là, c'est un frêne que j'ai laissé dans la pâture volontairement. Et on voit bien que les animaux se sont grattés dessus. On devine, c'est tout lisse, elles se grattent dessus. Mes vaches, en fait, elles sont en bio. Et en bio, en fait, on ne peut pas forcément mettre de produits de traitement contre des poux, des parasites, etc. Donc les animaux adorent se gratter. Donc c'est un point d'attraction qui fait partie complètement du cadre de vie des animaux. C'est aussi un arbre qui a des feuilles qui ont une valeur alimentaire équivalente à du maïs en silage. Donc une très très bonne valeur alimentaire. Du coup, c'est des arbres qu'on va traiter en têtard. Et les années de sécheresse, je vais donner la feuille aux animaux et ensuite déchiqueter les branches pour faire de la plaquette de bois. Donc c'est typiquement la haie, quelque chose qui introduit une interpénétration entre du sauvage et du domestique, puisque elle va encercler, elle embrasse les parcelles cultivées qui contiennent des espèces domestiques comme les céréales. Elle les embrasse avec une micro-forêt qui est constituée elle-même d'espèces sauvages. C'est le prunellier, les églantiers, les frênes, les charmes, les aubépines, qui sont des espèces sauvages. Donc ça fait entrer de la forêt au sein des espaces cultivés. Or, on a quelque chose de parallèle sur le plan cosmologique, puisque ça fait, on pourrait dire, entrer le sacré au milieu de l'espace profane, de l'espace quotidien. Ça fait pénétrer l'invisible dans le visible. Alors, pourquoi? Parce que d'abord, la haie, elle a des rapports au sacré, ne serait-ce que par l'étymologie. Le terme haie, qu'on retrouve dans les langues germaniques, anglo-saxonnes, un rapport avec le terme hag qui désigne la magicienne. Donc il y a un rapport avec la magie que nous indique la langue et que nous indiquent aussi toutes les espèces contenues dans la haie, qu'il s'agisse du noisetier ou de l'aubépine, du frêne, le chêne évidemment. Et des mythologies sont associées à ces différentes espèces. L'aubépine, elle a servi à faire la couronne d'épines du Christ, par exemple, et c'est pour ça qu'elle a un aspect protecteur, elle protégeait de la foudre, disait-on. De nombreuses espèces d'oiseaux vivent dans la haie et se rapprochent des habitations humaines l'hiver. Alors, on observe toujours les rouges-gorges, il y en a plein d'autres, le roitelet, par exemple. Voilà, donc vous avez tout le calendrier aussi annuel, tout le cycle des saisons qui est associé au renouvellement de la haie, au changement de comportement de ses différents habitants. Alors les haies, elles abritaient souvent des calvaires, des fontaines sacrées, des fontaines associées à un saint et à un culte local extrêmement fort et extrêmement ancien où les gens venaient pour des guérisons. Alors il y avait des trembles, le tremble qui est un arbre qui aime l'humidité, souvent près des fontaines. Eh bien on y allait pour se guérir des tremblements et on attachait là des rubans. Donc on a véritablement là un lien cosmologique qui associe des plantes, des pierres, des fontaines, des habitants et derrière tout ça, eh bien, toute une cosmologie de l'invisible. Donc on a un entremêlement, vous voyez, du sauvage et du domestique, du proche et du lointain, à travers la haie qui est tout à fait parallèle au niveau écologique et au niveau cosmologique. Alors là, je vous présente Ia. Le premier, c'est la mascotte. C'est le chouchou. Monte tes yeux, Ia. Viens là, mon gros. Là, voilà. Lui, il est cool. Il aime bien être caressé. Hein, t'es beau, toi. Oui, il a quand même des cornes de 60-70 cm. Ouais, mais vergure, on n'a pas envie de le contrarier. 60, ouais. Ouais. Alors en fait, il faut juste se mettre ou juste devant là. Dans le creux de la corne, mais pas au bout, parce qu'au bout, quand il tourne la tête, vous pouvez prendre un petit coup de corne. Mais sinon, je me cale derrière les oreilles, ici. Donc, même s'il tourne la tête, j'ai pas de problème. Voilà, c'est la philosophie. Après, il adore se faire gratter derrière les oreilles. Bon, les Highlands apprécient particulièrement d'être caressés. Donc, voilà, ça, c'est bien qui dit, c'est vraiment très agréable de se faire gratter. Voilà, donc ça, c'est aussi le travail de domestication. Le travail de domestication consiste à pouvoir toucher tous ces animaux et pouvoir prodiguer des soins, y compris en milieu naturel. Donc tous les animaux ont été domestiqués, donc c'est-à-dire qu'on a travaillé avec eux quand ils étaient petits, on a passé beaucoup de temps. Ils sont travaillés aussi aux chiens de troupeau, on a des chiens de berger. Là, il exige la caresse. Il me dit, tu as arrêté de me gratter derrière les oreilles. Recommence. Après, des fois, quand on en caresse un, ils viennent tous. Donc, il y a tout le monde qui suit. Donc là, dans cette parcelle, on a un bouleau qui permet qu'elle se gratte. Donc, on essaye de faire attention qu'il y ait toujours un endroit où elle puisse se gratter et être à l'abri du vent. Allez, ça suffit, hein. On se revoit ce soir. C'est mon troupeau de Bœufs Highland. Alors on a choisi cette race-là parce que c'est des animaux pas lourds, bien adaptés sur les zones humides. Donc voilà, ça c'est mes animaux qui sont un peu malheureux parce qu'on est bientôt début mai. L'herbe n'a pas encore poussé. Donc cette année, ils sont encore au foin et ils sont un peu tristes là. Mais d'ici 15 jours, on espère bien qu'il ait plu et qu'on va pouvoir les mettre dehors et aller manger de l'herbe tout le temps. Il faut dire combien ils sont beaux ces bœufs quand même. Ils sont beiges avec des poils longs. Les Highlands, c'est spécifique, ouais. C'est des chevelus cornus. C'est des animaux qui sont extrêmement armés pour être dans les milieux naturels. Vous voyez les cornes, ils sont capables de pousser un arbre de 10 cm de diamètre, ils sont capables de le plier en deux et les copains au bout mangent les feuilles. Ils ont un cuir très épais, donc ils résistent aussi à tout ce qui est piquant et autres. Donc c'est un animal vraiment adapté pour des milieux difficiles et rudes. Alors là, ils sont très poilus parce qu'on est en fin d'hiver, mais vous verrez l'été, ils n'ont plus qu'un peu de poils au niveau des yeux et c'est tout. Alors là, on est sur un point central de la parcelle où on voit qu'il y a trois arbres isolés. J'ai un frêne, une vieille aubépine, et puis alors c'est un peu spécifique, c'est un mûrier blanc qui est typique de la vallée du Rhône, mais qui est là sur le massif central, qui avait dû être planté. Et vous voyez en fait le taureau qui est là, tranquille, couché. En fait, j'ai mis du temps à comprendre que les vaches, en fait, elles aimaient ruminer et se coucher à l'ombre d'un arbre et au milieu d'une parcelle. En fait, je me suis rendu compte qu'à l'ombre des haies, les vaches n'allaient pas se coucher. Elles allaient grignoter quelques feuilles dessus, mais jamais elles se couchaient. Et j'ai compris qu'en fait, le loup pouvait suivre des haies et donc possiblement attaquer les troupeaux. Et c'est pour ça que un arbre au plein milieu d'une parcelle, où elle voit 360 degrés autour, et ben le troupeau va se coucher là, et vous aurez des vaches qui vont regarder de tous les côtés. Mais si on regarde sur cette parcelle, ces arbres commencent à être vieux. On voit que c'est des gros pépères avec beaucoup de branches mortes. Donc en fait, il faut que j'anticipe le renouvellement de ces arbres. Et à l'échelle d'une carrière, on doit replanter. Chaque génération d'éleveurs profite d'arbres qui ont été légués par les anciens. Et il faut replanter des arbres. Donc au milieu de ma parcelle, j'ai planté des saules et des peupliers qui, d'ici encore 3-4 ans, vont pouvoir remplacer et compléter le travail de ces arbres ici. Alors on peut le décrire, ce taureau. Donc il est gris, C'est une couleur grise pour le coup, avec effectivement, il a encore ses poils d'hiver qui lui tombent sur les yeux. Et là, il est tranquille, en train de ruminer au pied de l'aubépine. Et on voit bien qu'il est tranquille. On voit qu'il est vraiment posé. Et vous le trouverez là, au pied de l'arbre. Ce qui veut dire que naturellement, j'ai rendez-vous avec mes animaux en milieu de journée. J'ai rendez-vous sous l'arbre avec eux. Si j'avais pas l'arbre, ils seraient en plein soleil ou en pleine pluie parce qu'il est en train de commencer à pleuvoir. Là, ils vont toujours être là. Je vais toujours les trouver ici. Biomasse avec Blandine Vu, François Mullet, Mathieu Calame, Sylvie Monnier, Charles Stepanoff. Recherche musicale, Antoine Vuillioz, François Merlin. Documentation, Annelise Signoret, Vanessa Chang. Documentation, Ina, Sabine Dahuron. Lecture, Marie-Sona Condé. Prise de son, Olivia Branger, Olivier Dupré, Jacques Azubert. Mixage, Claire Levasseur. Réalisation, Assia Ralide. Coordination, Perrine Kervran, Marie-Vonne Abolivier. Un documentaire de Tao Favre. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous écouter sur le tracteur, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Anaïs Morales et Annelise Signoret. Et pour nous écouter où vous voulez et quand vous voulez, le podcast sur l'application Radio France et ailleurs. Et pour se parler, c'est sur Twitter et même sur Instagram. Demain, troisième épisode, des forêts vivantes. Et pensez aux autres rendez-vous documentaires de France Culture, toute une vie, l'expérience, une histoire particulière et les pieds sur terre.